بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ici le troisième cours concernant l'explication des règles principales du fiqh القواعد الفقهية الخمسة les cinq grandes règles principales parmi les règles jurisprudentielles. Nous commençons ici le troisième cours, donc le 7 du mois de Al-Muharram, de l'année 1442, après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous expliquerons ici la deuxième règle, qui est Al-Yaqin la yazulu bishak, ou Al-Yaqin la yuzalu bishak. On pourrait traduire, comme on l'a traduit dans le premier cours, comme le doute ne chasse pas la certitude, ou la certitude n'est pas chassée par le doute. Comme le dit Al-Shir Al-Allama Abdurrahman Ibn Nasir Al-Si'di dans sa poésie, comme nous l'avons cité dans le cours précédent, j'avais oublié de le citer dans l'introduction, les livres qui vous seront profitables, les livres qui vous seront profitables à notre niveau ici, dans l'étude de ces règles, nous avons cité certains règles qui traitent des certains livres pardon qui traitent des cinq règles principales jurisprudentielles. Nous avons cité aussi parmi les meilleurs et les plus profitables écrits traitant des règles jurisprudentielles en général, et il rentre dans cela les cinq règles principales, cette poésie Manzuma al-Qawa'id al-Fiqhiyya de l'Imam Abdurrahman Ibn Nasir al-Si'di rahimahullah ta'ala. Il dit dans cela, pour lorsqu'il parle de cette règle-là, donc cette poésie qui a été écrite par Cheikh Abdurrahman rahimahullah, et qu'il a lui-même expliqué avec de très brèves explications. Revenez à cette poésie, à son explication, ils sont très très profitables. Il dit wa taraji'u al-ahkam lil-yaqin fala yuzillu shakk lil-yaqin. Donc al-yaqin la yazulu bil-shakk ou al-yaqin la yuzalu bil-shakk. Le doute ne fait pas partir la certitude, ou la certitude n'est pas chassée par le doute. Nous dirons que le sens de cette règle, est, pour résumer, que ce qui fut affirmé, avec certitude, et il rentre dans la certitude de l'yaqin, on dit en arabe al-yaqin, il rentre dans la certitude qu'on appelle al-yaqin, ghalabatu dhann. Ghalabatu dhann, c'est-à-dire ghalabatu dhann, nous l'expliquerons ici en disant que c'est lorsque tu penches vers une chose de manière on peut dire comme ça, de manière prédominante, cela c'est dhann. Lorsque tu penses vers une penches vers une chose de manière prédominante, c'est-à-dire que tu pencheras plus vers cette chose que vers son opposé. Mais ghalabat dhann, il se distingue de dhann, le fait de pencher vers une chose plus qu'une autre lorsqu'il y a deux possibilité dans une affaire, par le fait que ghalabat adh-dhann, elle se démarque par le fait qu'il y a plusieurs facteurs qui te font pencher vers cette chose-là. Il n'y a pas un ou deux, il y a plusieurs facteurs qui t'emmèneront à pencher vers cette solution-là plus que l'autre, vers cette possibilité-là plus que vers l'autre. Ceci est ghalabat adh-dhann. Et ghalabat adh-dhann rentre aussi dans al-yaqin, dans la certitude ici dans cette règle. Bien sûr, les savants, lorsqu'ils expliquent cette règle, ils rapportent les degrés de la science. Ils parlent de la science, de dhann, ce qu'on pourrait traduire par la conjecture, c'est comme ça qu'ils le traduisent. Pareil, ash-shakk wal-wahm. Et je ne vais pas parler de cela dans le cours, car nous n'en avons pas réellement besoin. Cela va nous va nous faire dévier du but de ce cours. Comme on l'a dit, ce sont des assises très concises de 15-20 minutes pour expliquer ces règles principales de la jurisprudence. Donc, ils ont l'habitude d'expliquer la différence entre les degrés de science, etc. Ici, nous dirons simplement, lorsque nous expliquerons cette règle, que le but de cette règle, que le doute ne chasse pas la certitude, est que ce qui a été affirmé par al-yaqin, qui est la certitude, et il rentre dans cela, ghalabat al-dhan, que nous venons d'expliquer, le fait de pencher vers une des deux possibilités dans une affaire, et de pencher vers cela par de nombreux facteurs qui te font pencher, qui sont des facteurs qui t'emmènent à pencher de ce côté vers cette solution. Eh bien, une chose qui aura été affirmée par cela ne pourra être changée, cette affirmation ne pourra être changée par le doute. Et le doute est de plusieurs degrés aussi. Le doute est de plusieurs degrés, lui aussi, comme la science est de plusieurs degrés. Ceci est l'explication de cette règle. Et ici, le fait de savoir ce que veut dire ghalabat al-dhann, comme nous l'avons expliqué, t'aidera à comprendre beaucoup les fatawa, les jugements des gens de science. Lorsque tu lis dans une fatwa, si tu penches vers une solution dans cette affaire, avec des facteurs qui t'emmènent à pencher vers cette solution, ceci se sera traduit de l'arabe de ghalabat al-dhann, eh bien, le jugement est comme cela. Et nous le voyons ceci dans beaucoup, beaucoup de fatawa. Puisque le savant, lorsqu'il entend la question, il ne sait pas si toi tu es avec certitude, si tu vois avec certitude telle ou telle chose. Plutôt, il te parlera souvent de ghalabat al-dhann. Ghalabat al-dhann. Puis, nous citerons ici les preuves de cette règle. Parmi les preuves de cette règle, nous avons en premier lieu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, qui se trouve dans le sahih de l'imam muslim, ce hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, lorsque l'un d'entre vous doute dans sa prière et qu'il ne sait pas combien il a prié, 3 ou 4 raka'at, qu'il délaisse ou qu'il jette le doute et qu'il construise sur ce qu'il a eu avec certitude, qu'il construise sur la certitude. Nous voyons ici que ce hadith est une grande base dans cette règle, plutôt même la règle a été prise de ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَلْيَطْرَحْ الشَّكْ وَلْيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ عَلَيْهِ فَلْيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ. Donc on voit que ici, les savants ont pris la règle directement de ce hadith. Comme cela, la première règle إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ الْأُمُورُ بِمَقَاسِدِهَا. Nous voyons aussi que parmi les preuves de cette règle, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela, ce hadith qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, d'après Abbad ibn Tamim, qui rapporte de son oncle qu'il est venu se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou que est venu se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un homme qui s'imaginait que il trouvait quelque chose dans sa prière. Il trouvait quelque chose ici, on parle d'un vent, d'un paix. Il s'imaginait trouver quelque chose dans sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire de ne pas bouger ou de ne pas sortir de sa prière jusqu'à ce que tu entendes un bruit ou que tu trouves une odeur. Jusqu'à ce que tu entendes un bruit ou que tu trouves une odeur. Donc nous voyons ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith lui a ordonné de rester sur la certitude. La certitude, c'est que tu as ce que tu es en état de pureté et qu'il n'y a pas de vent de paix qui est sorti. Donc tu construis sur cette certitude et tu délaisses le doute. Et autre que cela, parmi les preuves de cette règle, je m'arrêterai ici. Et je terminerai le cours d'aujourd'hui en donnant quelques exemples pour illustrer cette règle comme on a l'habitude de le faire. Parmi ces exemples, lorsqu'une personne doute, est-ce qu'il s'est marié avec une femme ou non? Nous dirons que la base, c'est que tu construis sur l'yaqin, c'est-à-dire que tu construis le jugement sur le fait que tu n'es pas marié avec cette femme. La base, c'est que tu n'étais pas marié avec cette femme. Tu doutes, est-ce que tu t'es marié avec elle ou non? Tu construis sur la certitude. La certitude, c'est qu'à la base, tu n'étais pas marié à elle. Donc, tu n'es pas marié à elle. Comme cela, une personne qui doute si il a divorcé sa femme ou non. Ici, on parle du doute. Et je vous ai expliqué, avant cela, nous avons ici, dans cette règle-là, pour faire simple, nous avons la science, la certitude, l'yaqin, nous avons relabat al-dhan, qui rentre aussi dans l'yaqin, donc nous avons ici la science, la connaissance, la certitude, et nous avons de l'autre côté le doute. Et le doute est de plusieurs degrés. On parle du doute en général. Nous avons le fait que tu es sûr de quelque chose et le fait que tu doutes de quelque chose. Ici, on parle de ces choses-là. Et le doute, comme je l'ai dit encore une fois, il est de plusieurs degrés. Tu doutes que tu as divorcé ta femme. Parfois, tu peux avoir un léger doute. Parfois, tu peux avoir beaucoup de doutes. Mais là, on parle du doute, simplement. Tu doutes que tu as, c'est-à-dire cela englobe un léger doute, plus encore, du moment que cela s'appelle un doute. Donc tu doutes que tu as divorcé ta femme, eh bien, la certitude c'est que tu ne l'as pas divorcée. Si tu doutes de l'avoir divorcée, elle reste ta femme. Comme cela, une personne qui est certaine d'avoir fait ses ablutions, et il doute d'avoir perdu ses ablutions, nous lui disons alors que du moment que ce doute que tu as d'avoir perdu ses ablutions n'atteint pas ghalabat al-dhann, c'est-à-dire que tu as des facteurs qui font que ce doute pourrait se transformer vers une certaine science que tu auras, que tu as perdu ses ablutions, eh bien, tu restes en état de pureté. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons lu précédemment. Alaykoum salam wa rahmatullah. Une autre chose, une personne dans sa prière qui doute, est-ce qu'il est dans la deuxième raka'a ou est-ce qu'il est dans la troisième raka'a? Nous lui disons, la certitude c'est que tu as prié deux raka'a. Est-ce que je suis dans la deuxième ou dans la troisième? La certitude c'est que tu es arrivé dans la deuxième. Dans tous les cas, tu es arrivé dans la deuxième. Puisque tu doutes, tu ne doutes pas d'être arrivé soit dans la deuxième, soit d'être toujours dans la première. Tu es à la certitude que tu es arrivé au moins dans la deuxième. Ce que tu doutes, c'est d'être arrivé dans la troisième. Mais ta certitude c'est que dans tous les cas, tu es dans ta deuxième raka'a. Tu doutes d'être arrivé dans la troisième. Nous lui disons, construis alors sur la certitude, c'est-à-dire que tu es arrivé à la deuxième raka'a. Tu construis donc sur le fait que tu es dans ta deuxième unité de prière, dans ta deuxième raka'a. Comme cela, à l'inverse de cela, nous lui disons, si tu es certain que tu es arrivé dans la troisième raka'a, tu en es sûr, et il commence à y avoir un doute sur le fait que, peut-être en fait, je suis certain, mais en fait, peut-être que je suis dans la deuxième. Mais à la base, j'étais certain. Avant d'avoir ce doute, j'étais certain d'être arrivé dans la troisième. Nous lui disons, jette ce doute, délaisse ce doute et construis sur cette certitude que tu avais. Comme nous allons le lire un peu plus tard, qu'il y a certains doutes vers lesquels on ne fait pas attention. Encore une fois, si tu marches dans de l'eau, et tu doutes que cette eau était une eau qui n'est pas pure, où il y a des impuretés dans cette dernière. La base, si cette eau n'a aucun signe d'impureté, et que toi aussi, c'est-à-dire comme si tu es dans l'endroit où tu fais le wudu, tu sais que tu viens ici, c'est un endroit qui est pur à la base, il n'y a pas de signe d'impureté dans cette eau, tu es certain d'avoir fait tes ablutions comme il le faut, il n'y a pas d'impureté autour de toi, et bien là-bas c'est que cette eau est une eau qui est pure. Pas que cette eau est une eau qui a été corrompue par l'impureté. Comme cela, et nous avons déjà étudié cela dans nos cours concernant les caractéristiques principales des gens de la sunna, cette règle-là ne s'applique pas que à des règles de jurisprudence. Elles s'appliquent aussi dans les règles touchant à la croyance. Nous rappelons ici la parole de Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, que j'ai rappelé dans le cours sur les caractéristiques principales des gens de la sunna. Man thabata islamuhu bi yaqin fala yazulu anhu illa bi yaqin. Lorsqu'une personne est avérée comme étant un musulman avec certitude, eh bien ce nom de musulman ne lui sera pas enlevé qu'avec certitude. C'est-à-dire que le doute n'est pas estimé ici. Une personne, on est certain que cette personne est un musulman et quelqu'un qui est rentré en islam. On ne doutera pas de son islam, sauf s'il y a, c'est-à-dire on ne le fera pas sortir, pardon, de l'islam, sauf s'il y a une certitude de cela, pas par un doute. Ceci, nous en avons parlé lorsque nous avons expliqué la croyance des gens de la sunna concernant at-takfir. Comme cela, si tu es dans un pays musulman et que tu sais qu'il y a certaines personnes qui disent que telle et telle viande, qui sont des viandes congelées, sont des viandes qui ne sont pas autorisées pour les musulmans, c'est-à-dire que ce n'est pas halal. Nous disons que la base est suffisante. La base, quelle est-elle ? Que tu es dans un pays musulman. Dans ce pays musulman, là-bas, c'est que les gens égorgent, mangent, vendent des viandes licites pour les musulmans. Eh bien, tu resteras sur cette base. Comme cela, ceci est important. Très important même. Si une personne vient te voir et te dit que un tel parmi les gens que tu connais, comme étant quelqu'un de digne de confiance, un tel parmi les gens que tu connais, comme étant quelqu'un de digne de confiance, vient te voir et te dit, un tel, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, il est comme ci, comme ci, comme cela. La base, tu restes sur ce que tu connais de cette personne, c'est que c'est une personne digne de confiance. Tu le connais, bien sûr, avec preuve et avec science. Tu sais que c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Donc, tu resteras sur cette base jusqu'à ce que cette personne t'apporte des preuves sur cela. L'inverse aussi, une personne que tu connais comme étant quelqu'un de pervers, quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Si une personne comme ça te dit non, c'est quelqu'un de digne de confiance, c'est bon, mais toi tu as les preuves, c'est ce que tu connais, tu as les preuves que cette personne est une personne qui est digne de confiance. Eh bien tu resteras sur cette base, le fait que cette personne est une personne, si tu sais avec science que cette personne n'est pas digne de confiance, tu resteras sur cette base-là. Ici, il est bon de mettre en garde sur le fait de parler sur les gens de science, sur les savants, comme cela sur les étudiants en science, avec des choses qui ne sont pas vérifiées, avec des impressions, comme on peut l'entendre bien souvent. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'il y a comme ceci, comme cela. Ou cette personne-là, il a fait, ce jour-là, il a fait quelque chose comme ça, c'est pas quelqu'un de... Alors que cette personne est connue comme quelqu'un de droit, de juste, et il est connu comme quelqu'un de viable dans sa religion et dans son manhaj. Ceci ne fait pas partie de notre religion. Nous restons sur al-yaqin, la certitude que nous avons connue de cette personne jusqu'à ce que la personne nous apporte des preuves de cette parole. Et vice-versa, comme je l'ai cité ici. Nous terminerons rapidement en rappelant une parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, concernant les endroits ou les moments où le doute ne sera pas estimé, on ne fera pas attention au doute, on ne se retournera pas sur le doute, on n'y prêtera pas attention. Il dit, Cheikh, rahimahullah ta'ala, le doute, je vais résumer un petit peu ses paroles, le doute après l'œuvre. Lorsque tu doutes après l'œuvre, c'est-à-dire lorsque tu doutes après ta prière. Une personne qui a prié. Après sa prière, il doute. Est-ce que j'ai prié 3 ou 4 raka'at? Il a prié salat al-dhuhr, par exemple. Il doute. Est-ce que j'ai prié 3 ou 4 raka'at? Nous lui disons, ne fais pas attention à ce doute-là. Tu as terminé ton adoration. Tu étais sur le fait que tu as terminé ton adoration d'une manière légiférer, eh bien tu restes sur cette chose-là et tu ne fais pas attention au doute. Comme cela nous voyons dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, comme je l'ai rappelé précédemment, où il dit à cette personne qui est venue se plaindre, il lui dit, de ne pas délaisser, de ne pas partir de sa prière jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur. Ici, il est dans la prière. Mais ici, on parle d'une adoration autre que la prière, qui est l'adoration de At-Tahara, la purification. Là, est-ce qu'il doute, cette personne-là, d'avoir perdu sa purification ou non? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit de ne pas délaisser cette chose, cette certitude qu'il a d'avoir fait sa purification de manière correcte. Il a terminé cette œuvre-là, il a terminé la purification, il est rentré dans la prière, dans une autre adoration. À partir du moment où tu as terminé cette première adoration, cette première œuvre, tu ne feras pas attention au doute lorsque tu es sur le fait que tu as pratiqué cette adoration de manière légiférée. Comme cela, le Cheikh nous dit, dans le sens de ses paroles, et si nous prenions en compte tous ces doutes-là que nous pouvons avoir lors de nos adorations, ou après nos adorations ici, en l'occurrence, eh bien, il n'y aurait pas une adoration sans que nous ayons un doute, sans que Shaitan vienne nous insuffler le doute sur telle et telle adoration. Lorsque tu as terminé une adoration, donc, lorsque tu as terminé une adoration, eh bien, tu ne te retournes pas, tu ne fais pas attention à ce doute. Le deuxième, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, lorsqu'une personne a beaucoup de doutes, c'est une personne qui est connue comme étant quelqu'un qui a beaucoup de doutes, elle le sait, cela aussi de sa personne. Il doute à chaque fois, lorsqu'il fait le wudu, il doute, lorsqu'il prie, il doute, lorsqu'il fait telle et telle chose, il doute. Lorsqu'il sort de chez lui, il doute d'avoir divorcé sa femme, lorsqu'il rentre chez lui, il doute d'avoir de s'être marié avec une autre femme, etc. Il y a des personnes comme cela, ceci est une maladie. Eh bien Cheikh, il nous dit, annule ce doute que tu as, ne prends pas en compte ce doute que tu as, car une personne qui ne fait pas une œuvre, que ce soit la purification, la prière ou autre que ça, sans avoir un doute, est une personne qui est malade. Il ne doit pas se faire attention à cette maladie, plutôt la manière qu'il a de soigner cette maladie est, comme on l'a évoqué ici, le fait de ne pas prendre en compte ses doutes. Et il dit aussi quelque chose qui est très important, car nous savons qu'une personne, du moment que c'est une personne qui est douée de raison, une personne du moment qu'elle est douée de raison, et qu'elle a la capacité de choisir, elle a un libre arbitre, la capacité de choisir, eh bien cette personne-là, elle ne fera pas une chose elle ne fera pas une chose à l'encontre de ce qui lui aurait été demandé. C'est-à-dire, il lui aurait été demandé de faire la prière de dhuhr 4 raka'at. Nous savons que cette personne est une personne douée de raison. C'est-à-dire qu'elle n'est pas folle, ce n'est pas quelqu'un de mejnoun. Nous voyons aussi que cette personne est une personne douée de libre arbitre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va l'obliger à prier salat dhuhr 3 raka'at. Du moment que cette personne est comme cela, comme détaillé précédemment, eh bien, nous saurons que cette personne ne va pas s'engager dans une affaire sans l'affaire de la manière dont elle lui a été demandée. Donc il lui convient de délaisser tous ses doutes. Une troisième chose, et une dernière chose qu'a évoqué Cheikh Ibn Uthaymeen ici, l'imagination. Une personne qui s'imagine beaucoup de choses, cette chose-là est proche bien sûr du doute, l'imagination. Le fait qu'elle s'imagine beaucoup de choses, elle s'imagine qu'elle n'a pas prié de cette manière-là. Elle s'imagine qu'elle n'a pas eu la niya. Ceci, nous en avons parlé dans le cours précédent concernant l'intention. Elle n'a pas eu l'intention de prier telle et telle prière. Donc, il faut qu'elle recommence la prière parce qu'elle s'imagine qu'elle n'a pas mis l'intention de prier la prière de Dhuhr. Nous l'avons traité dans le cours précédent. Cette chose-là, comme le dit Cheikh, tous ces doutes-là, ce ne sont que des insufflations de Shaitan. Et les insufflations de Shaitan, elles ne sont construites sur rien. Donc, il convient à la personne de délaisser ses insufflations et ses doutes et de ne pas rentrer dedans, car ceci est une maladie. Nous terminerons ici. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.